sono. Omar, tu connais Hap, j'ai plus d'effet qu'une ligne de coke. Scred comme un blondard, j'vois des scènes dit d'Apollard. Quand j'prends le micro, j'veux que les miens puissent foutre la hella. Ambiance shit et cola, l'anti-keuf, j'fais ma campagne. On vient camper dans le game, c'est juste un motherfucker. J'veux que tes oreilles saignent, l'ambiance est malsaine. Usé comme un rebeu, violent comme un gars, sinon on m'a dit vole comme un papillon et puis comme une abeille. Avant même de savoir voler, on m'a coupé les ailes. C'est la merde ici, et même s'il y a pire ailleurs, descendant de tirailleurs, j'compte pas lâcher l'affaire. Fallait éviter de jouer avec le feu. Les flammes de l'enfer vont briller de mille feux. Ils nous ont bannis, alors nous on a mille feux. On vient inverser les rôles, cours si tu peux. Bienvenue dans mon monde, ici c'est les ténèbres. Le bitume s'est embrasé, l'ambiance est devenue funèbre. Ils disaient vouloir la paix, mais ils ont déclaré la guerre. Tous veulent aller au paradis, alors que tous sont en enfer. Bienvenue dans mon monde, ici tout est réel. La mort te guette, sans cesse et à chaque ruelle. Ils disaient vouloir ton bien, mais ils ne souhaitaient que ton mal. Tu croyais être au paradis, mais te voilà en enfer. Tous veulent aller au paradis, alors que tous sont en enfer. Certains le savent, d'autres pas, car tous n'ont pas les yeux ouverts. C'est le choc de culture, dur de parler de la rue quand on n'y a pas vécu. Évite de parler de la ruse, à défaut de passer pour un vendu. Ici tout le monde se méfie, ici tout le monde se défie. Parfois j'aimerais me barrer sur les routes de Memphis. Pas de doute, on a la haine. Depuis la naissance, on se tape pour exister. Nos parents étaient premiers, nos descendants seront derniers. De ces lignées de guerriers, urbaine, t'as ma parole. Nos cités ont craqué, beaucoup de pertes et tracas. Nos darons dans la baraque, car nos routes étaient déjà barrées. Bienvenue dans mon monde, là où le bitume s'est enflammé. Bienvenue dans mon monde, là où les fleurs ont fané. Là où le tonnerre gronde, sur tous ces peuples affamés. Je te dirai comment l'homme a fait de cette terre un enfer. Bienvenue dans mon monde, ici c'est les ténèbres. Le bitume s'est embrasé, l'ambiance est devenue funèbre. Ils disaient vouloir la paix, mais ils ont déclaré la guerre. Tous veulent aller au paradis, alors que tous sont en enfer. Bienvenue dans mon monde, ici tout est réel. La mort te guette, sans cesse et à chaque ruelle. Ils disaient vouloir ton bien, mais ils ne souhaitaient que ton mal. Je croyais être au paradis, mais te voilà en enfer. Bienvenue dans mon monde, ici c'est les ténèbres. Le bitume s'est embrasé, l'ambiance est devenue funèbre. Ils disaient vouloir la paix, mais ils ont déclaré la guerre. Tous veulent aller au paradis, alors que tous sont en enfer. Bienvenue dans mon monde, ici tout est réel. La mort te guette, sans cesse et à chaque ruelle. Ils disaient vouloir ton bien, mais ils ne souhaitaient que ton mal. Je croyais être au paradis, mais te voilà en enfer.